miroitante de fleurs. Avec deux petits volcans accrochés aux aisselles. Cette lave en amont d'amère qui était au centre de son corps dressé. Il y avait aussi une arcade de sourcils sous lequel tout le ciel. Sous lequel tout le ciel passait. Un vrai ciel de viol, un vrai ciel de viol et de rapte, de lave, d'orage et de rage. Absolument théologal. Un ciel absolument théologal. Un ciel absolument théologal. Un ciel absolument théologal. Yeah, absolutely, theologal.